So it's person, woman. Ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits. Fillon, voilà, il est en face de moi. Person, woman, man, camera, TV. Bonjour, bienvenue dans À la Loupe, votre nouveau podcast qui répond aux questions que tout le monde se pose, mais aussi et surtout à celles que personne ne se pose, et peut-être qu'on devrait se poser, mais ça reste à vérifier. Absolument, alors pour ce premier épisode, on va vous faire voyager. Mais on va vous faire voyager dans un pays dont on entend très peu parler, et qui est en proie à un fléau terrible qui est la corruption. Et ce pays, c'est le Belize. Et c'est vrai qu'on entend très peu parler du Belize, qu'on n'en parle jamais, que tout le monde s'en fout un peu. Il y a même un écrivain chilien qui a écrit un texte méchamment intitulé « Belize, ce pays où on ne va jamais ». Et pour autant, c'est bien dommage, parce que ce qu'on va vous montrer, c'est comment la colonisation et les conflits coloniaux ont façonné l'histoire du pays, divisé sa population, comment le pays n'a su trouver sa place dans la mondialisation que via l'offshore et la corruption, et pourquoi cela nous concerne. Et ben voilà, c'est parti. I say again, I cannot sit here and tell you there is no corruption in government, there is no corruption in cabinet. I won't do it. I have done the best I can to keep a lid on things. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une conférence de presse du Premier ministre du Belize depuis 2008, qui est Dean Barrow. Alors, pendant une conférence de presse où il est amené à une conclusion assez déprimante et hallucinante aussi pour un chef de gouvernement. On n'imagine pas, nous, ça chez nous, ou dans d'autres pays, des premiers ministres arriver en conférence de presse et balancer comme ça. Et évidemment, il y a de la corruption, mais bon, quand même, mes conseillers sont pourris, mais un peu moins que les autres. Mais si ça se passe, c'est parce que dans le pays dont on parle, on a atteint un niveau de corruption quasiment burlesque. Et est-ce qu'il y a des données quantifiables pour ça ? Alors, pour donner des chiffres, l'ONG Transparency International édite chaque année un index de corruption, le CPI, pour Corruption Perception Index, et les résultats du Belize sont assez parlants. De 2003 à 2008, son index a chuté d'année en année pour atteindre en 2008 la 109e place sur 194. Et depuis cette année, le pays n'apparaît même plus sur les classements pour une raison folle. Les données qu'il fournit sont elles-mêmes trop corrompues. C'est-à-dire que l'ONG considère qu'elles ne sont pas suffisamment fiables pour relater la vraie situation. Alors, pour éclaircir tout ça, je crois que le mieux, c'est de commencer par un tout petit peu d'histoire. Ouais, et comme ça, les auditeurs qui restent encore, ils vont quitter l'épisode, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. Alors du coup, on va remonter même directement au XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, le territoire qui est aujourd'hui le Belize est sous contrôle de la couronne espagnole via la capitainerie du Yucatan. Et pourtant, déjà à l'époque, les ressources naturelles, et notamment le bois, sont exploitées par des colons britanniques. Donc, pendant des décennies, il va y avoir des conflits qui auront des disputes diplomatiques à des vraies guerres entre les Espagnols qui n'occuperont jamais le territoire et les Anglais qui, eux, l'exploitent. Et ça va durer pendant un moment, puisque, à l'époque, le contrôle de l'Amérique centrale est un enjeu important pour les puissances coloniales. Et ce sont finalement les Anglais qui gagneront le bras de fer et créeront le Honduras britannique en 1862 en lui donnant le statut de colonie. Ce qui crée deux fossés historiques majeurs avec ses voisins. Premièrement, aucun des pays avoisinants n'a été une colonie britannique. Et cette situation géographique et historique particulière se ressent encore aujourd'hui, puisque le Belize est à la fois membre de la CARICOM, la communauté caribéenne, avec donc un héritage britannique, mais aussi du SICA, le système d'intégration centre-américain, avec un héritage espagnol plus prononcé. Et puis surtout, les pays comme le Honduras ou le Guatemala ont obtenu leur indépendance en 1821, ce qui veut dire qu'ils étaient officiellement indépendants depuis 40 ans, quand le Belize est officiellement devenu une colonie. Et d'ailleurs, le Belize n'obtiendra son statut et son indépendance qu'en 1981, et dès le début de son existence, il va faire face à un gros paquet de problèmes. But this year, in addition to the Red Cross, Boy Scouts and friendly societies, there will be soldiers of the British Army. Royalty was arriving. In this case, Prince Michael of Kent, appointed to represent the crown in the transition from colony to nation. Premièrement, le Guatemala a eu dans l'histoire une tendance à considérer que le Belize lui appartenait. Et donc, l'indépendance n'a pas vraiment mis fin aux conflits sporadiques sur les questions territoriales. Donc ces conflits persistent encore aujourd'hui. Ensuite, pour se libérer de sa forte connotation coloniale, mais aussi à cause du risque d'ouragan, l'État belizien a tenu à délaisser la capitale historique pour en créer ainsi une nouvelle. Et donc ainsi, Belize City est abandonnée pour Belmopan. J'espère que je le prononce bien. Et ce, même avant l'indépendance du pays, et ce qui aura eu pour conséquence d'avoir une capitale un peu orpheline de son État. Mais surtout, cette tentative de substitution est révélatrice de la faiblesse de l'État, puisque la capitale n'a jamais eu le succès escompté. Jusqu'à aujourd'hui, elle est nettement moins peuplée que Belize City, et de l'ordre de 14 000 habitants contre 57 000 habitants en 2010. C'est assez peu si on remarque bien. C'est assez peu si on remarque bien, mais Belize est un tout petit territoire de moins de 23 000 mètres carrés, avec une population de 385 000, ce qui est à peu près l'équivalent de la population de la ville. Exact. Mais le point le plus frappant que le Belize tire de son histoire mouvementée est son aspect de mosaïque ethnique. Donc sa population se forme et se déforme au faveur des différents flux migratoires, aussi nombreux que variés, et ce depuis le 19e siècle. On a des descendants d'esclaves libérés, des Amérindiens venant des Caraïbes, des Mexicains fuyant la guerre des Castres, les confédérés états-uniens après la guerre de sécession, ou encore même des travailleurs chinois et indiens qui sont encore sous contrat d'engagement malgré l'abolition de l'esclavage dans l'empire colonial britannique. Et bon, ça, ce sont que des exemples. On sait combien il est difficile de gérer un pays qui comporte autant de différentes populations, enfin, de populations d'origine aussi différentes, sur un si petit territoire. Mais encore une fois, un élément de l'histoire du Belize va venir mettre de l'explosif sur le verglas. En effet, pour maintenir leur mainmise sur ce territoire, les Britanniques ont utilisé la politique du « divide et impera », donc ce qu'on peut traduire par « diviser pour mieux régner ». C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Qui sème la discorde ? Instinctivement, on pourrait se dire qu'un pays uni est plus facile à gouverner. C'est exactement l'effet inverse qui est recherché. On sème la discorde entre les différents acteurs, et donc ici les différentes populations, pour mieux asseoir une domination. Donc, un des effets recherchés était que, étant donné qu'elles étaient trop occupées à se déchirer entre elles, les différentes populations n'étaient pas en mesure de former une unité suffisamment importante pour inquiéter le pouvoir. Or, cette politique a eu des effets sur le long cours qui ont été dévastateurs pour le Belize. Les créoles, descendants à la fois des Britanniques et des esclaves, ont pris le dessus sur les autres ethnies et se sont associés aux fonctions de pouvoir et à l'ancienne capitale, Belize City. Et il y a donc une multitude de groupes qui habitent dans des relations inégales, des relations que l'État n'arrive pas à réguler. Et c'est pas prêt de s'arranger puisque plusieurs phénomènes aggravent la situation. Donc d'abord les populations créoles qui, pour le dire d'une manière très simple, sont le groupe qui ont pris le pouvoir mais qui ont perdu leur place de plus grand groupe en termes d'individus face aux mestizas. Et donc cela pose un problème de plus en plus démocratique puisqu'il y a aussi des populations, notamment des descendants de Maya, qui commencent à revendiquer une souveraineté sur des territoires qu'ils occupaient naguère et même parfois aujourd'hui obtiennent cette souveraineté. Bon alors, on l'a vu, l'État belizéen a du mal à exercer ses fonctions. En fait, l'État a même parfois l'air d'avoir une forme de non-compétence et des problèmes. Ça donne lieu à des scènes assez rocambolesques, comme la déclaration qu'on a mis en exergue au début. Ou encore les fameuses consultations du mercredi et du lundi. Des consultations comme chez le médecin. Presque en fait. C'est une sorte de tradition que le journal suisse Le Temps était allé étudier en 2004 sous le Premier ministre Saïd Moussa. Il s'avère que ces deux jours-là, des gens de tout le pays affluent dans les bureaux du Premier ministre pour lui demander personnellement de régler leurs problèmes. C'est une scène assez incroyable. Les gens arrivent au bureau du Premier ministre, l'équivalent de notre Élysée ou l'équivalent de notre Élysée ou de Matignon. Ce dernier passe une grosse partie de sa journée à régler des problèmes de taxes, parfois des demandes d'emploi. Alors d'un côté, ça semble être une forme d'avancée de démocratie directe, vu que le Premier ministre est accessible plusieurs fois par semaine, cela lui évite une forme de déconnexion des problèmes des gens. C'est une pratique qui sont quand même très bonnes et qui semble une manière de lier les électeurs à leur Premier ministre. On sent bien que les gouvernements qui se succèdent n'ont pas le contrôle de ce qui se passe dans leur propre pays et ont encore des très gros problèmes de souveraineté, non ? Alors, le Belize, c'est rare et cool, une existence pacifique qui voit s'alterner à sa tête deux partis, le PUP et les deux partis, et ces deux partis s'échangent une certaine continuité, et notamment sur un point très particulier qui est l'offshore. Le Belize s'est en effet rapidement établi comme une importante place offshore et aujourd'hui considéré comme un paradis fiscal, même si la récente européenne sorti de sa liste, uniquement pour le placer sur la grille. Pour le placer sur la grille. Selon un article de Mark Hampton et Michael Davies, comme beaucoup d'anciennes colonies britanniques ont été spécialisées dans les produits financiers offshore par le gouvernement britannique. Par le gouvernement En effet, dans les années 70 et jusqu'à la fin des années 90, le Foreign and Commonwealth Office a largement encouragé le développement de boîtes noires financières dans un contexte de libéralisation. À l'échelle globale. Depuis, il y a eu une inflexion dans ce bureau, dans cette politique, surtout dans ce bureau, 97. Et cette inflexion sera aussi appuyée, fait assez particulier, par la communauté internationale menée par les États-Unis. Puisqu'à la suite du 11 septembre 2001, le pays se rend compte que les places offshore permettaient à des organisations terroristes de prospérer, mais également que des pays sur les continents américains refusaient de collaborer avec les services antiterroristes au nom du secret des affaires ou bancaires. Il n'empêche que les effets de la politique qu'on pourrait qualifier d'offshoreisation, aujourd'hui de nombreux territoires de la Grande-Bretagne sont des paradis fiscaux. C'est le cas par exemple de Trinité-Tobago, dans une toute autre mesure de mal, pour le coup constitutionnel de dépendance du Royaume-Uni. À l'inverse, quasiment aucun des territoires français d'outre-mer ne se distingue dans ce genre d'activité. Et le Belize n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui encore, c'est une place de choix pour planquer son pognon, on va dire les choses telles qu'elles sont. En 2012, le journaliste Adam Davidson, pour le New York Times, a fait l'expérience de tenter de créer un compte en banque offshore et son choix s'est donc porté sur le Belize. Les résultats de cette expérience sont assez hallucinants. Pour à peine $900, une société offshore lui a été créée. Pour $85 de plus, la société pouvait signer n'importe quel document officiel. L'opération aura duré le temps d'un entretien téléphonique de 10 minutes et l'envoi d'un mail contenant les copies de pièces d'identité. Tout ceci sera évidemment inconnu du gouvernement de l'investisseur, donc ici les États-Unis, et plus ou moins à grande échelle selon les lois en vigueur du pays récepteur. Souvent, quand un pays rencontre des difficultés structurelles, économiques importantes, on entend dire qu'il n'est pas encore très bien intégré à la mondialisation. En fait, ça sous-entendrait que les problèmes du pays sont dus à une intégration incomplète dans le système commercial et financier mondial, et donc à un manque de flux vers les autres pays. Or, ici, il semble que, clairement que ça ne soit pas le cas. En fait, les pays comme le Belize sont parfaitement intégrés à la mondialisation. Ils ne le sont juste pas de la même manière que les autres. Ils le sont d'une manière plus secrète, plus souterraine. Et donc, le politologue américain William Reynaud a développé un concept qui rend très bien compte de cette réalité. C'est le concept de « shadow state ». Donc c'est assez difficile à traduire et on s'est souvent laissé en anglais, mais à la traduction on pourrait parler d'un état de l'ombre ou dans l'ombre. Mais bien que d'abord ce concept était plutôt pensé pour être appliqué sur certains pays d'Afrique, dans un article, Rosaline Duffy, donc c'est un article qu'on vous mettra dans la description, elle l'applique au Belize. Et donc pour Reynaud, le Shadow State est une sorte de caste composée d'une partie d'hommes d'affaires, mais aussi de personnalités politiques importantes, qui parviennent à exercer un pouvoir considérable sur un territoire et des gens, notamment via le contrôle de ressources. Et donc ces ressources peuvent être naturelles, comme par exemple le minerai ou le bois, mais aussi criminelles comme les armes, la drogue, ou bien encore comme ce fut le cas au Belize, les passeports. Dans les années 90, un scandale a éclaté quand on a découvert que les autorités du pays offraient des passeports, principalement à des Taïwanais, en échange d'investissements dans le pays. Notons qu'il existe une sorte de pattern de fraude aux passeports, puisqu'en 2013, le ministre Elvin Pener a été démis de ses fonctions pour avoir créé un faux passeport belizien et l'avoir vendu à un Taïwanais emprisonné. Une fois que les dites élites, ont le contrôle des ressources, peuvent renforcer leur appui dans le système institutionnel, en déroulant le tapis rouge aux investisseurs étrangers, en déroulant le tapis rouge aux investisseurs étrangers, viendront soutenir les activités financières du pays. Le mot investisseur est ici à comprendre parce qu'on fait la part belle aux évadés, aux trafiquants de drogue et à tous ceux qui cherchent à blanchir l'argent, et ça nous ramène directement à la question de la corruption. La faiblesse des institutions étatiques, souvent, ont été formées pour être très inactives. La forte présence d'investisseurs étrangers, c'est déjà un peu de la corruption. Tous les ingrédients sont là. Peut-être est-ce qu'on pourrait un peu développer ce que les investisseurs étrangers ont à voir avec la corruption à l'intérieur d'un État? Alors pour ça, le mieux c'est de Alors se pencher ça, sur le un mieux c'est de se pencher Michael sur un Ashcroft, homme qui s'appelle Michael. So could I just have a quick word with you? Did you have tens of millions in an offshore trust that you secretly control, sir? Did that mean that you could avoid millions in tax through that trust? Lord Ashcroft, why don't you just talk to me? It'd be great to hear your view. It was the Punta Gorda Trust, Lord Ashcroft. Sir, the Punta Gorda Trust. Dear, dear, dear, is that your response? It was the Punta Gorda Trust, sir, and so you made some decisions, and the trustees, we're up to quite a lot of dears now, sir. It'd be great to know your view. Donc dans cet extrait, on entend le son d'une scène, encore une fois un peu burlesque, encore une fois un peu en 2017 pendant un salon. En 2017, pendant un salon, Michael Ashcroft est poursuivi par un journaliste de la BBC qui lui demande le scandale dit des Paradise dans lequel il est accusé d'avoir dissimulé des millions dans les paradis. Donc le journaliste le traque dans tout le salon en lui posant les mêmes questions. Est-ce que vous avez un fonds offshore? Est-ce que ça vous a permis d'échapper aux impôts? Et la seule réponse d'Ashcroft est oh dear, oh dear, ce qui veut dire quelque chose comme oulala, et va se réfugier dans les. Bon, peut-être qu'il faudrait d'abord expliquer à nos auditeurs qui est ce fameux Michael Ashcroft. Alors, c'était très drôle de commencer Alors, par ça, mais très drôle de commencer par ça, mais effectivement, Michael Ashcroft, c'est un homme politique et milliardaire britannique. C'est un homme politique et milliardaire britannique. Qui a la double nationalité belgique. Sa réputation sulfureuse, sa réputation régulièrement le parti conservateur britannique, puisqu'il en a été un des principaux donateurs. Et même le scandale de 2017 lié au scandale de 2017 clairement pas son baptême judiciaire. Et à vrai dire, c'est même pas de ça dont on va parler. C'est vraiment juste par plaisir de vous passer. En fait, les Paradise Papers ont révélé que l'homme d'affaires avait encore des comptes dans les îles des Caraïbes. Pourquoi je dis encore? Et pour comprendre pourquoi je dis encore, 20 ans plus tôt. Il faut remonter 20 ans dans les années 90. Dans les années 90. À l'époque, Ashcroft possède de nombreuses sociétés, et notamment une holding pour Belize Holding, qui est comme son nom l'indique, basée au Belize. Et bénéficiait donc de gros par rapport à ce qu'elle aurait dû payer. Par rapport à ce qu'elle aurait dû payer. Si elle avait été au Royaume-Uni. En 96, le gouvernement du Belize fait passer une loi qui va donc à l'encontre des intérêts de Michael Ashcroft. Tout son poids dans la balance pour la contrer. Il faut avouer qu'il en a du poids au Belize. Il faut avouer qu'il en a du poids au Belize. Il est ambassadeur du pays aux Nations Unies. Principal bailleur de fonds du PIB. Principal bailleur de fonds du PIB. Un des deux parties se partage le pouvoir dans le pays. Et ça, on y reviendra. Du coup, il fait pression, et la loi finale contient une clause puisqu'elle précise qu'elle ne s'appliquera pas à BH. Il n'aurait aucun compte à rendre au gouvernement et sera exempté d'impôts pendant 30 ans. C'est quand même incroyable de se dire qu'un homme d'affaires en région britannique et vivant en Floride est arrivé à avoir un tel pouvoir dans la diplomatie, mais également à faire infléchir les politiques fiscales qui lui étaient pas avantageuses. Les affaires liées à ce monsieur, les affaires liées à ce monsieur sont beaucoup plus profondes. On va même jusqu'à appeler l'homme qui a acheté le Belize. Ses intérêts ont largement dicté la politique énergétique lors de la privatisation. De BEL, l'ancienne compagnie publique d'électricité, prend des parts à hauteur de 20 000 à 93 000 avec une compagnie américaine, avec toute l'électricité extraite des barrages du pays. On pourrait continuer pendant longtemps à évoquer toutes ces affaires, on pourrait dérouler les affaires de ce monsieur Ashcroft pendant plusieurs heures. Et je pense qu'on se répéterait probablement jamais. Il y a des affaires qui concernant à peu près tout ce qui est possible, la drogue, le détournement de fonds d'associations caritatives et les classiques exils fiscaux. Oui, ça c'est ce qu'on pourrait appeler un très beau parcours. Mais si les Panama Papers des Paradise Papers ont été particulièrement malvenus parce que ça fait écho à une situation qui n'a pas régularisé depuis des décennies. Il ne s'est jamais conformé aux lois. Ses propres précédents scandales avaient entraîné. Mais pour en revenir au Belize, Ashcroft n'a jamais agi dans ses propres intérêts. Dans ce cas-là, et comme dans beaucoup d'autres cas, l'État se retrouve pris à son propre piège. Ce qui était à la base une forme de complaisance pour s'intégrer dans la mondialisation, s'est transformé en une véritable impuissance institutionnelle. Puis la corruption fait système, puis la corruption fait système, puis les difficiles de riches s'arrière. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres endroits dans le monde, subit un contrôle de l'extérieur par des investisseurs étrangers, et tout ça protégé par le secret bancaire et diplomatique. Vous l'aurez probablement remarqué, vraiment défini ce qu'était la corruption. Pour le faire, il aurait fallu faire un travail universitaire académique. C'est pas ce qu'on veut faire ici. Ici, on veut plus vous montrer toute la complexité de forme. Il aurait fallu des heures pour rendre compte de tout ce que ça implique. On pourrait parler de violence aussi, de la corruption à l'échelle des policiers locaux, jusqu'à cette sorte de clientélisme du mercredi matin, ou encore les fameux investisseurs étrangers qui, s'ils seraient abusés de dire qu'ils contrôlent le pays, en tirent au moins de nombreuses ficelles. Mais surtout, ce qui frappe, c'est à quel point on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Personne ne parle de ces pays. Des problèmes qui rencontrent, on se dit que ce sont des pays avec lesquels on a très peu de contacts et que si intéressant n'en vaut pas la peine. Mais ces échanges officiels avec des pays comme le Bélize, certes proches de l'existant, certes proches de l'existant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Le Bélize est entré dans la mondialisation par la porte de derrière. Peine à se faire une place. Quand on est au rôle de trou noir de l'économie. Et si cela nous concerne, c'est que tant que ces spécialistes offshore, les pays occidentaux comme la France, pour rappel, le manque à gagner des multinationales implantées en France est évalué pour le pays à 7 milliards d'euros chaque année, selon une note du Conseil d'analyse économique, que les pays des Caraïbes accueillent trilliards de dollars, autant d'argent qui échappe aux administrations fiscales des pays d'origine. Mais bien au-delà de l'évasion fiscale, le maintien de ces boîtes noires financières dans la mondialisation permet aux organisations terroristes de se financer, aux dictatures de corrompre et aussi au trafic de prospérer. L'intérêt d'un paradis fiscal ou d'un montage offshore est de cacher l'origine et la destination de l'argent. Et au jeu de la non-transparence, il n'y a qu'une poignée de gagnants. Alors que faire ? Eh ben, on peut peut-être s'intéresser un peu plus à ces questions. Mettre le nez dans les affaires que les médias déterrent de temps en temps, comme les Paradise ou les Panama Papers, et comprendre que le sort d'un Bélizien qui se voit spoilé de ressources au profit de compagnies étrangères, et que le sort de nos États occidentaux européens qui perdent chaque année des milliards dans les boîtes financières sont bien plus liés qu'on ne veut bien le croire. En tout cas, c'est tout pour ce premier épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, par mail à l'adresse podcast@gmail.com. Et quant à nous, on espère que cet épisode vous a plu et nous espérons vous revoir bientôt pour un deuxième épisode. Dans trois semaines, normalement. Cette fois sur l'histoire du féminisme en Égypte. À bientôt.